J'avais rien dans le frigo. Me demandez pas pourquoi, je voulais de la maille qui maille. J'ai trouvé des applications Parfaite Action. Je les ai matrixées avec Mort TV. Un sentiment, sans sentiment, tu trompes au courant de ma frappe. J'ai fait des VCD, on m'a repiqué le pique-nique sur CD. Et puis voilà que je recherche individu fichier dans un dossier à la Adobe. Je ne m'arrête pas là. Merci Ibaza qui m'a porté dans ma jeunesse. J'ai fait de la thune avec iTunes parce que c'était mon métier. Alors je passe à Napster et j'ai toute la bibliothèque pour travailler mon steak. Une carte de visite, perroquet, c'est ok, fidélité affichée. Voilà la pagaille qui décolle. Pour un CD piraté, je tourne en rond. De toute manière, la PMI t'a renvoyé l'ascenseur. Vu ni connu, l'histoire est cachée sans cacher comme opération. Merci les mers qui se lancent dans la tempête. Je navigue entre deux vagues, travaille à l'horizon. Je veille ma vieille, m'insulte de tous les mots et me passe un savon. Déstabilisation, après la nuit passée, j'ai été à Aix. De retour à l'entretien, t'as été embauché. Merde, j'ai fait une connerie, merci la merde. La lettre, ma première chanson, tu me l'as demandé. Je me suis confié, maladroit d'un sale vouloir, un cœur de pirate. Je veille la nuit, je me réveille la nuit. Vampirus, tu connais, travailler au black. Je travaille la tuerie, doublement savoir-faire, doublement payé le temps où j'ai fait mon affaire. Métier, je travaille la plume sur l'enclume, car c'est pas réciproque ni monotone. Des coups, je les sens plus, alors la vérité. Toujours dirigé vers la mauvaise adresse, toujours spoilé avant que le film commence. Éducation entre terre et père, oublié, tu as un train de retard, je te donne l'heure. C'est un mal pour un bien, omelette, stivelette. Je suis vraisemblablement vrai et chacun son camp. Des patates, je fais une bataille entre voisins. Nocturne et moi car pas d'internet, oh merci pour ce geste. La lettre, ma première chanson, tu me l'as demandé, je me suis confié, maladroit sans le vouloir, cœur de pirate. L'équilibre est fragile, attention à mon homme labo, j'ai besoin d'un générateur pour éviter les coupures de courant, oh le savon. C'est qu'un début, tu connais le refrain et à quelle sauce j'ai été mangé. Pas si évident que ça, la serrure fracture ouverte. Viré à 18 ans, appelle les pompiers, voilà tout mon mal-être en gros. De la colline qui t'interpelle pour un rick sa ville. Quel naufrage de prendre le cap sans prévoir quoi que ce soit, salut à toi. La lettre, ma première chanson, tu me l'as demandé. Je me suis confié, maladroit sans le vouloir, cœur de pirate.